Maintenant, on va aborder un autre pan de l'activité. Comme je reviens un peu sur le... Comme cette saison était normalement consacrée au fond, et que jusqu'à maintenant, on n'a pas tellement parlé des fonds en question, moi, j'ai voulu vraiment essayer d'explorer un peu le fond de la Maison de la Culture. Et dans ce fond de la Maison de la Culture, il y avait aussi une partie musique. C'est-à-dire que depuis le début, j'enregistrais des concerts en vidéo, avec une régie à plusieurs caméras, en direct et sans filet. On a fait Jacques Higelin en 76, Magma en 77, Henricao et Tronfou le Loublan à Bourges en 77 aussi. Et puis voilà, il commençait à se passer, on est en 81 maintenant, il se passe des tas de choses en dehors des institutions culturelles. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des mouvements d'artistes complètement indépendants qui produisent des choses en dehors des circuits de production. Et il se trouve qu'à Orléans, on a la chance d'avoir une assez forte représentation, assez forte dans l'impact, dans la puissance, plutôt que dans l'ombre de ces gens-là. Et c'est comme ça que je rencontre les gens d'un groupe de musique alternative qui s'appelle Un Département, dont l'un des membres s'appelait Phil Gaz, alias Philippe Gasny, qui est ici. Et je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il raconte comment il est entré en contact avec la Maison de la Culture d'Orléans avant qu'on voit, dans leur intégralité, les deux clips d'Un Département tourné en Orléans. Je ne sais pas si on va les regarder, finalement. Je ne sais pas comment on pourrait aborder le truc, mais moi, il se trouve que j'habitais Orléans depuis quelques... Ouais, je suis arrivé à peu près en même temps que toi, en 76, en fait. Mais que, voilà, j'ai fait mes études à Bourges, aux Beaux-Arts, et puis à Paris, à Vincennes, donc j'étais plutôt à Orléans, on va dire, pour des raisons... Ça m'arrangeait d'un point de vue géographique, j'étais juste entre les deux. Et puis c'est vrai qu'on a mis en place ce groupe Un Département, donc en 79, et que ce soit moi ou mes deux compères de l'époque, on a très vite compris qu'il fallait qu'on essuie les plâtres de ce qu'on appelait au début l'autoproduction. Avec beaucoup de gourmandise, c'est-à-dire qu'on avait envie de refaire le monde, mais surtout travailler de l'image, du son, du happening, comme on disait à l'époque, de la performance, essayer de faire bouger un peu les frontières de tout ce qui était à l'époque, ce qu'on trouvait à l'époque, beaucoup trop cloisonné et beaucoup trop institutionnalisé. Et marchandiser, etc. Enfin bon. Donc, on bricolait dans notre coin. Hein, on bricolait, on avait un petit appartement, on avait un 4 pistes. Hein, je crois que c'était comme les Beatles. On a enregistré notre premier album avec un 4 pistes. Et puis même le deuxième, et puis même la première cassette. Enfin bon. Après, je crois qu'on a eu un 8 pistes en 86 ou 5, je sais plus. Donc c'était extrêmement bricolé et il y avait cette maison de la culture qu'on vivait un peu comme un lieu justement institutionnel, un lieu où il se passait des trucs, on allait voir des choses. Moi, il y a des choses qui me plaisaient beaucoup parce que j'avais effectivement touché un peu à l'image aux Beaux-Arts, des choses un peu arty, hein, et ça me plaisait bien. Et puis un jour, on a poussé la porte avec un projet de clip. Voilà, en se disant, le clip, c'est quoi ce genre, voyons voir. Faisons la conquête de la télévision. L'une chose, c'était l'association qui fait Orléans Film Fabrique. Ah oui. Qui a permis, effectivement, je pense, en partie, de rentrer à la Maison de la Culture. On faisait des projections. C'est la date 78-19, je pense. Alors, Orléans Film Fabrique, tu veux en parler? Vas-y, écoute. Le fameux appartement. Le fameux appartement, oui. Donc Orléans Film Fabrique, oui, alors il y avait un département d'un côté, on était très, très musiciens, et puis on était plus ou moins collègues ensemble, non? Oui. Hein, on vivait ensemble. C'est une retrouvaille de 30 ans. Hein. On fait plus court. Et donc Orléans Film Fabrique, c'était effectivement une association qui proposait des projections de cinéma indépendant, donc thématiques, un coup Mécas, un coup Snow, enfin tous ces artistes qu'on adorait. Et on avait proposé à la Maison de la Culture. Projection qui se faisait chez nous. Qui se faisait à la Maison de la Culture. Donc on avait déjà un pied dans la maison de la culture. Oui, mais avec l'animateur, c'était l'animateur cinéma que vous voyez là. C'était, ouais, ouais. C'était pas la même casquette. Il y avait Pierre. Il fallait monter des marches. Et voilà, je disais, on les a gravis un jour. Et puis après, ça a été relativement. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 82, l'équipe audiovisuelle de la maison de la culture, c'était un technicien vidéo qu'on appelait commissaire aux pannes électroniques, Daniel Bertin, et moi, qui assurais à la fois la fonction de programmateur cinéma pour les deux salles d'arrêt d'essai que nous avions, l'Hexagone et le Studio, une salle de 250 places et une salle de 80 places. Donc j'assurais la programmation de ça, et en même temps je m'occupais de l'activité vidéo, c'est-à-dire les animations, ce que j'ai dit, les animations scolaires, les corps constitués, la production, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis, quand ils Orient Film Fabrique était en relation avec l'animateur cinéma, alors qu'un département était en relation avec, avec l'animateur vidéo, qui était évidemment une seule et même personne. En fait. Alors je propose qu'on regarde les deux clips impérissables d'un département. Le premier, on va parler sur le premier. Hein. Le premier a été, tu l'as oublié de le dire. C'est quoi la date? 81, je dirais, pour le premier. C'est possible. Ou 82. Le vinyle est sorti en 80. Ben voilà, donc c'est 80. Ouais. Donc, programmé dans une émission de télévision qui à l'époque s'appelait Haute Tension, animée par Antoine Decaune. Non. Si, c'était Antenne 2, Haute Tension, c'était Antoine Decaune. Blanc-Francard qui patronnait la chose. Il y a débat. Et Blanc-Francard avait confié la sélection des clips à Alain Buros. Donc, c'est Alain qui déjà. Sur Antenne 2. Oui. Sur Antenne 2. France 2. Antenne 2, à l'époque. C'était un des premiers jobs télé d'Alain Buros. C'est le même manège que celui qu'on voit dans le film de Dominique Cabrera. Donc quoi, là, ouais. Donc quoi, tout est lié. Le deuxième est un peu différent. Heureusement. Désabusez-moi. Et curieusement, celui-ci n'est jamais passé à la télévision. C'est con, hein, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Vous avez reconnu Philippe Gasnier, donc dans les deux. Oui, il y a 40 ans. Non. Philippe Gasnier qui, depuis, continue à faire des images et des scènes. Alors, cette rencontre avec les gens d'un département et au-delà de leur activité artistique transdisciplinaire, pluridisciplinaire, comme on peut dire, donc qui alliait les arts plastiques, la performance, la musique, la vidéo, ça a été quand même un moment où il s'est passé beaucoup de choses à Orléans, et où c'est pas la Maison de la Culture qui était moteur, la Maison de la Culture était associée sur certains projets, et ça a été quand même un moment de dynamisme artistique assez important, et c'est pour ça que je voulais quand même que ce soit évoqué, de même que je trouve que est un peu passé aux oubliettes toute cette période des années 80, où autour d'une production, on va dire, essentiellement musicale alternative, on a vraiment fait éclater, ce que disait Philippe, les barrières entre les disciplines, et qu'il s'est passé dans toute la France, ce n'était pas un phénomène parisien, même si les gens les plus connus de ça restent peut-être les gens de Wonder Product, enfin les gens qui tournaient autour de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, de l'ENSAD, qui avaient des gros moyens vidéo, etc. Mais il y a vraiment eu, à cette époque-là, un mouvement qui est très très intéressant. Et s'il y a parmi nous des étudiants qui cherchent un sujet, je pense que celui-là est... C'est même un phénomène international. Est vraiment riche. Un groupe comme Frigo qui en ce moment fait beaucoup. Ouais. Moi, c'était à peu près la même époque. Oui, c'était la même époque. Ouais. Voilà. C'était vraiment international avec l'Allemagne. Donc, profitant de cette effervescence, je me lance dans une super production pour la vidéo. Il ne faut pas oublier que ce qu'on ne dit jamais, c'est que tout ça sont des productions extrêmement pauvres, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un centime de déboursé. On fait ça avec les moyens et l'énergie, enfin les moyens techniques de la Maison de la Culture et l'énergie des gens qui ont envie de faire ça. Donc la superproduction en question va s'appeler Une vieille histoire. Et en fait, c'est un film sur ce qui perdurait en 81 de la rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans, rapidement, c'est en 1969, une rumeur qui éclate à Orléans, selon laquelle des femmes disparaîtraient dans les magasins de vêtements, seraient embarquées via un sous-marin sur la Loire pour aller servir d'objets sexuels dans des lupanars orientaux, etc. C'est complètement délirant, mais ça marche, c'est-à-dire que cette rumeur atteint des proportions telles que il y a des manifestations d'hostilité devant les magasins, les gens se groupent, il y a même, apparemment, il y aurait même eu des jets de pierre, et que malgré les démentis officiels de la presse et de la police, parce que par chance, personne, absolument personne, n'a disparu, ni homme ni femme, pendant cette période-là à Orléans, alors que des gens, ils ont disparu tous les jours, donc ils n'ont plus jamais signe de vie. Par chance, rien absolument ne s'est passé, donc on sait qu'il ne s'est absolument rien passé, ça a été dit par tout le monde. Et on s'est rendu compte en faisant les travaux préparatoires, on faisait des micro-trottoirs dans la rue, que donc en 81, donc je sais pas, ça fait beaucoup d'années après 69, les gens nous disaient toujours, on n'a jamais su vraiment le fin mot de cette histoire, il n'y a pas de fumée sans feu, enfin, des choses comme ça. Donc ce qu'on va voir, c'est le début du film. Avec une musique d'un département. Donc c'est ça la superproduction. C'est que du coup, on avait une musique originale d'un département et on avait des acteurs qui disaient les textes. Enfin, c'était merveilleux. 1981, à Orléans, le cadavre d'un enfant chrétien est repêché en Loire. La rumeur se répand alors. Ce sont les Juifs qui l'ont tué en lui brisant la tête sur une énorme pierre au coin des rues de l'Ormerie et du Battoir Vert. Ils l'auraient ensuite jeté à l'eau pour dissimuler leur crime. Ce n'est que vers 1840 que cette pierre qui servait de goutte-trou fut détruite. Elle était considérée comme maudite et le chapitre de Saint-Pierre-en-Pont s'y rendait tous les ans à l'approche de la Saint-Jean pour l'exorciser. Les rumeurs sont tenaces. Et parce que le bruit courait que les Juifs enlevaient chaque année un enfant chrétien pour le crucifier à mort, le peuple d'Orléans leur attribua ce meurtre rituel et exigea des représailles. De nombreux Juifs furent alors arrêtés, soumis à la question et finalement pendus. En mai 1969, il ne s'agit plus d'enfants mais de femmes. La rumeur se développe, atteint une ampleur inégalée au XXe siècle. 6 magasins d'Orléans, au centre-ville, pratiquent la traite des blanches. Les femmes et les jeunes filles sont droguées dans les salons d'essayage des magasins de vêtements ou encore piquées au moyen d'aiguilles cachées dans les talons dans les magasins de chaussures. Évanouies, elles sont alors évacuées par souterrain jusqu'à la Loire où les attend un sous-marin qui les emmène vers de mystérieuses destinations, dans des lieux de plaisir exotiques où elles seront livrées aux caprices lubriques de vicieux orientaux. Ni la police ni la presse sont au courant et les commerçants visés sont tous juifs. Printemps, mois d'avril ou mai. La matinée s'était passée normalement, on était allé en cours comme d'habitude, puis après déjeuner pour les nuits pensionnaires. Juste un petit peu avant les cours, les externes sont rentrés, mais tout excités, en disant qu'il y avait un réseau de traite des blanches qui se propageait sur Orléans. Voilà. Et donc le film raconte ça. Ça démarre dans le plutôt léger, c'est-à-dire les lycéennes toutes excitées qui racontent des choses qui sont plutôt de l'ordre du fantasme. Et il y en a une qui explique que c'était pour elle merveilleux, c'était enfin l'occasion de parler de choses dont on n'avait pas le droit de parler, etc. Et petit à petit, on montre comment cette rumeur évolue, c'est-à-dire qu'après les jeunes filles qui s'amusent et qui se font un peu peur avec ça, on s'aperçoit que dans les cours privés d'Orléans, et notamment Saint-Charles et Saint-Aignan, les adultes, ils ont vu un bon moyen de ressouder la communauté autour de l'école et autour des vraies valeurs, parce qu'elles avaient été bien ébranlées par mai 68, la rumeur est en 69, hein, faut pas l'oublier, printemps 69. Et c'est à partir de là que ça se développe, et c'est évidemment au moment où ça gagne les adultes qu'elle prend vraiment sa dimension antisémite, jusqu'à ce que donc les magasins soient obligés de fermer. Et donc on a montré tout ce déroulement dans le film qui se termine par l'interview d'un commerçant juif fraîchement arrivé à Orléans pour ouvrir une solderie et qui reçoit des coups de fil la nuit qui lui disent « sale juif, on va te faire la peau ». Donc en 81. Et ça, c'est scandé donc par des séquences des différentes rumeurs courantes qu'on connaît, les rats dans les restaurants chinois, etc., mises en musique par un département. Et ça se termine évidemment donc sur le caractère ouvertement antisémite de cette affaire, par le témoignage de deux jeunes femmes qui étaient les filles d'un des commerçants. La plus jeune était étudiante à Paris et elle a entendu cette rumeur de Paris et elle est venue et elle a essayé de faire du bruit autour pour que on dise que non, c'était pas vrai, parce que c'était le magasin de ses parents, elle connaissait. Elle s'est beaucoup battue pour essayer de faire taire cette rumeur, et on montre par les micro-trottoirs qu'on fait que en gros il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui disent non, mais nous on n'y a jamais cru, c'était des bobards, et il y a les autres. Ceux qui disent on n'a jamais vraiment su le fin mot de l'histoire, il n'y a pas de tunnel sans feu. Et je pense que si on faisait un film aujourd'hui, on aurait à peu près les mêmes choses. Ce film a eu un grand succès, il a été diffusé partout, il a été acheté par le ministère de la Culture pour le réseau des médiathèques et des centres culturels français à l'étranger, et il a largement contribué à nous faire haïr un peu plus de la ville, parce que le maire de l'époque, Jacques Dufiac, considérait que c'était une très très mauvaise publicité pour sa ville. On arrive maintenant en 82 avec l'arrivée de Gérard Poitou, qui avait donc, je ne m'en souvenais plus, mais il me l'a rappelé tout à l'heure, avait déjà fait un stage en 78 dans le cadre de sa formation ATTAC à la Maison de la Culture, qui entre-temps était parti au Canada, au Québec, et qui revient en partie parce qu'on a un projet de cinéma itinérant qui s'appellera le Cinémobile, mais bon, ça c'est la version cinéma, on ne va pas en parler, et qui revient pour participer à l'aventure vidéo de la Maison de la Culture, dont l'équipe compte désormais 3 personnes, ce qui nous permet de répondre plus facilement au cahier des charges d'animation, tout en continuant les activités de production. Alors, une des premières productions scolaires, c'est avec le lycée Jean Zay. Peut-être tu peux en parler, si tu t'en souviens. Pas plus que moi. Bon, en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les PAE, les plans d'activité éducative dans les lycées, et un prof de sociaux qui intervenait donc en première terminale du lycée Jean Zay, l'un des lycées d'où est partie la Réunion en 69, nous avait proposé ce projet, Patogas, Rangers et Scooby-Doo. C'est un film sur les clivages entre les groupes d'adolescents, les groupes de lycéens, selon des critères de mode vestimentaire, c'est-à-dire tu écoutes telle musique, tu t'habilles de telle façon et tu causes pas à ceux qui s'habillent d'une autre façon et qui écoutent une autre musique. Voilà. Alors à l'époque, on avait identifié, je crois, les classiques, qui étaient les bourgeois, qu'on voit d'ailleurs sur cette image à gauche, les punks, les babas, je crois que c'est tout, classiques. Les funk. Et les funk. Funky qui avait des cheveux, ouais, pas. Voilà. Donc ce film a été présenté au Festival Cinéma du Réel à Beaubourg, je crois. Et il s'est étalé, je pense, sur à peu près une année scolaire. Dans la foulée, toujours avec Gérard, la notoriété d'Orléans était devenue telle que la presse nationale s'intéressait à nous, que donc on avait les honneurs de la visite régulière de Jean-François Lacan, qui à l'époque écrivait sur la vidéo dans Le Monde. Il est intervenu auprès du lycée Jean Zay. Après Patogas et Rangers et Scooby-Doo, pour un autre PAE sur le développement faramineux de la vidéo à l'époque, puisque la vidéo à l'époque prenait toute la place que prend aujourd'hui le numérique. C'est-à-dire qu'on faisait des plans d'architecture en vidéo, on faisait évidemment de la thérapie en vidéo, enfin la vidéo était mise à toutes les sauces, ça a donné lieu à cette production qu'on a appelée l'explosion vidéo, qui part des origines de la vidéo en France avec une interview des Roussopoulos et qui traite à peu près tout le foisonnement. C'est dans le cadre d'un dossier, c'est devenu un dossier document édité par Le Monde. Oui. Ce qu'il faut ajouter, ce qui a contribué aussi un peu à la notoriété de la Maison de la Culture d'Orléans, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est les vidéos buffets. C'est après. C'est après. Oui. Ah pardon. Donc ouais, mais on en parlera tout à l'heure. On regarde un extrait. J'aimerais bien qu'on regarde l'extrait dans lequel on voit, parce qu'on n'a pas beaucoup d'images de Paul et Carole en couleur, donc j'aimerais bien qu'on voit cet extrait. Et très vite, je me suis dit que la vidéo était le moyen le plus approprié pour donner la parole à des gens qui n'avaient pas l'habitude de l'apprendre, ou en tous les cas à qui on n'avait jamais donné, et aux femmes en l'occurrence. Et le fait de pouvoir remontrer tout de suite l'image, etc., les rassurait beaucoup et nous a permis de travailler d'une manière la plus collective possible, soit à l'IP avec les ouvrières, où pendant 3 ans on a fait un travail régulier pendant la longueur de la grève, soit avec les prostituées, soit dans des mouvements, enfin dans des luttes de femmes. Et je me souviens que toutes les femmes qui regardaient leur image pour la première fois, parce que dès qu'on avait fini, comme j'imagine la plupart des gens qui font des vidéos, dès qu'on avait fini de les filmer, on leur montrait l'image, la plupart des femmes, et encore maintenant, parce que moi je continue à travailler de la même manière, la plupart de ces femmes nous disaient « je ne savais pas que je savais parler ». Je ne pense pas que monsieur et madame Sony ont fait une vidéo pour donner la parole aux gens directement concernés, disons, pour simplifier. Mais c'était l'outil rêvé pour ça. C'était l'outil, si on avait dû le créer, on aurait inventé la vidéo, si on avait voulu créer un autre type de communication. cadre de ce tournage que les images qu'on avait vues de Paul Rousseau-Poulleau sont transmises. Gérard Poitou m'a montré lors d'une des premières séances autour de la question du montage. C'est de là que ça vient. Enfin, Gérard, c'était toi qui nous les avais transmises. Trouver le rush de Paul, mais pas celui de...